me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les relations entre le bouddhisme et le taoïsme en Chine? Quel est le décentrement radical qu'entraîne en Chine l'introduction du bouddhisme, demande la sinologue Han Cheng. Comment a débuté la très forte tradition des pèlerinages des Chinois vers l'Inde céleste, en empruntant des routes souvent très périlleuses comme celles qui passent par le désert de Gobi? Comment l'Inde bouddhique a-t-elle pu devenir le pays du milieu? Nous achevons ce matin le troisième cycle de la vaste enquête d'Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France, qu'elle a consacrée à la question de l'autre, l'autre avec un grand A en Chine, du rejet des barbares aux marges de l'empire des Han, au début de l'ère chrétienne, à la prise en compte d'autres centres de civilisation et à la découverte fascinée et ambivalente pour l'Inde bouddhique. Cette interrogation sur un regard qui se porte au-delà des marges du pays du milieu s'est inscrite dans le cadre de sa grande série pluriannuelle intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde », série au cours de laquelle l'historienne de la pensée chinoise propose d'interroger, selon sa formule, la prétention chinoise à l'universalité et à la centralité. Depuis les cours précédents, elle s'attache à analyser, grâce aux extraits des sources chinoises, dites dans leur formulation sonore et traduites aussitôt, les termes des relations complexes et de l'intégration ambivalente du bouddhisme à la culture chinoise à la fin de la dynastie Han, la légende d'un Lao Tzu disparaissant vers l'ouest et faisant de Bouddha un de ses disciples à son retour, étant d'ailleurs très révélatrice de ce point de vue des rivalités et de l'appropriation du bouddhisme en Chine. En parallèle des querelles des moines prônant une centralité indienne et ce en faveur d'une préséance taoïste, se dessinent les débats entre les interprétations des traducteurs aujourd'hui. Dans la belle interview qu'Han Cheng a donnée au magazine Vacarme en 2010 et que je vous recommande, elle rend hommage, comme dans ce cours, au travail collectif autour des sources chinoises anciennes et je la cite. « Je suis convaincue qu'on ne peut surmonter la grande technicité linguistique requise pour saisir le cœur des textes anciens et que plus généralement on ne saurait approcher un quelconque aspect de la réalité chinoise, si énorme et complexe, qu'en y allant à plusieurs, à partir d'une démultiplication des points de vue et des méthodes d'approche. La seule chose qui puisse justifier ma présence au Collège de France est d'animer la discipline sinologique, de mobiliser les compétences réelles et nombreuses dont elle dispose. Je suis particulièrement heureuse, notait-elle encore, de l'aventure qui vient d'être lancée en commun avec les éditions des Belles-Lettres, une édition bilingue de textes anciens, dont les deux premiers volumes sont parus, dus à Jean Lévy, grand spécialiste de la Chine ancienne, et à l'une de mes anciennes doctorantes, Béatrice Laridon, dont nous allons découvrir l'œuvre ce matin. Quand j'étais au lycée, poursuit encore Han Cheng, et que, comme beaucoup, je piochais des traductions dans les budets, je rêvais de quelque chose d'équivalent pour le chinois. Je suis heureuse du résultat, mais plus encore peut-être de la manière dont nous y sommes parvenus. Ce projet est une manière de cultiver l'amitié entre chercheurs, mais aussi avec l'éditeur qui a fait un travail remarquable, et c'est à espérer avec les lecteurs. l'esprit pour le coup est bien confucéen, confiant en l'idée qu'une sympathie ou qu'une amitié se propage de proche en proche, puis de loin en loin. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 janvier 2018 pour le cours d'Anshang, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, aujourd'hui le pays du Bouddha, l'autre pays du milieu, ou le seul et vrai pays du milieu. La dernière fois, nous avons vu de quelle manière les premières sources historiques chinoises a parlé du Tianzhu, dont nous avons vu que ça désigne en gros le subcontinent indien, et les premières à mentionner donc la figure du Bouddha, tentent à mettre le Bouddha et son enseignement en rapport avec les écrits taoïstes et la figure de Lao Tzu, en reprenant et en exploitant la légende selon laquelle, je cite le Wei Lue, donc Lao Tzu serait parti vers l'ouest en sortant des passes, aurait traversé les contrées de l'ouest jusqu'au Tianzhu et aurait enseigné les Hu, qui est cette désignation générique pour justement ces peuplades de l'ouest. Alors, il s'agit ici d'une légende qui brode et qui extrapole donc sur la biographie non moins légendaire au demeurant de Lao Tzu dans le Shiji, c'est-à-dire les mémoires historiques de Sima Qian, qui datent donc des Han antérieurs, autour de 100 avant Jésus-Christ. Alors, cette biographie légendaire nous dit que Lao Tzu serait parti vers l'ouest, aurait laissé aux gardiens de la dernière passe avant le désert donc un écrit de 5000 mots sur le Tao et le Te, c'est-à-dire sur la voie et sa vertu ou sa puissance, et aurait ensuite disparu sans que nul ne sache ce qu'il est devenu. Alors, évidemment, la fin de cette biographie laisse toute latitude pour imaginer que soit Lao Tzu est en réalité parti vers l'ouest pour s'initier à l'enseignement du Bouddha en Inde, enseignement qu'il aurait ensuite rapporté en Chine, ça c'est la version des bouddhistes, ou alors on peut également imaginer qu'il est parti vers l'ouest, d'où il est revenu en Chine sous la forme du Bouddha. Ou bien, on peut aussi imaginer que le Bouddha n'aurait été au fond qu'un disciple de Lao Tzu, ce qui signifierait en somme que le bouddhisme n'est en fait que le taoïsme revenu de l'Inde. Et ça, c'est évidemment la version des taoïstes, en particulier celle des sectaristes religieux, de mouvements comme celui des turbans jaunes à la toute fin des Han postérieurs. Alors, nous avons vu qu'au-delà de ces tiraillements, on pourrait dire de ces guéguerres et de ces controverses d'ordre idéologique, donc au-delà de ces signes de rivalité entre deux tendances en concurrence pour attirer le maximum d'adeptes, d'une part, et obtenir également le patronage des souverains, d'autre part. Donc la rivalité est vraiment très forte. Donc, au-delà de cela, nous avons donc des découvertes archéologiques et des travaux d'historiens d'art qui ont montré ce que l'un de ces historiens d'art, Wu Hong, appelle l'interchangeabilité entre la figure du Bouddha et les divinités autochtones chinoises, qu'elles soient confucéennes ou taoïstes. Et parmi ces divinités taoïstes qui ont été souvent associées au Bouddha ou confondues carrément avec lui, vous avez le couple donc de la reine-mère de l'Ouest, Xi Wangmu, et le roi-père de l'Est, Tong Wangong. Donc, vous percevez évidemment que la tentation est grande, justement, d'associer en particulier la reine-mère de l'Ouest avec la figure du Bouddha, puisque le Bouddha vient également de l'Ouest. Et tout cela se passe juste au moment où le bouddhisme s'universalise sous sa forme mahayaniste, comme nous l'avons vu, et s'exporte, en quelque sorte, hors de son berceau originel au nord-est de l'Inde, en particulier vers la Chine et plus largement vers toute l'Asie orientale. Alors, bien sûr, de là dérivent des amalgames inévitables entre bouddhisme et taoïsme, assortis donc d'une tentation, en quelque sorte, si vous me passez l'expression, de récupération de l'un par l'autre, et inversement. Et à la clé de cette interchangeabilité et de ces amalgames, il y a des malentendus fondamentaux, comme par exemple concernant cette notion bouddhique de nirvana que les Chinois ont translittéré, c'est un mot sanskrit qui veut dire l'extinction, et que les Chinois ont translittéré d'abord par nihuan et ensuite par niepan. Cette notion d'extinction bouddhique a d'abord été comprise à tort en contexte chinois comme étant l'équivalent de l'immortalité taoïste. Vous percevez bien qu'il y a une différence considérable entre la notion justement d'une extinction totale et donc d'une sortie de la roue des existences, du samsara, et la notion d'immortalité qui veut dire au contraire que votre être se perpétue donc indéfiniment. Donc vous avez ces amalgames et ces jeux de tir à la corde en quelque sorte, entre les bouddhistes et les taoïstes, chacun essayant de tirer la couverture vers soi, qui se traduisent notamment dans des textes que nous avons vus la dernière fois, aux besoins des textes inventés pour les besoins de la cause, comme par exemple Laozi Hua Hu Jing, c'est-à-dire donc il s'agit d'un sutra. Donc si vous donnez le titre de sutra ou de jing à un texte, ça veut dire que vous le présentez comme un texte sacré qui émane de la parole même du Bouddha. Mais il s'agit ici d'un faux absolument évident. C'est donc le sutra de la conversion des barbares, les Huahu, par Laozi, qui représente la position des adeptes taoïstes, ou à l'inverse, donc le Zheng Wu Lun, c'est-à-dire donc le traité pour rectifier les fausses accusations, dont nous avons lu un passage la dernière fois, qui représente la position pro-bouddhiste, qui cherche justement à rectifier les fausses accusations des taoïstes contre le bouddhisme. Alors, toutes ces sources de la fin des Han et du début de la période donc de désunité qui a suivi, en particulier donc de multiples dynasties qui se sont formées au nord et au sud. Donc toutes ces sources témoignent d'une très grande ambivalence vis-à-vis de ce que l'on entendait dire sur ce royaume de Tianzhu, au-delà des Himalayas, au-delà des montagnes, que l'on qualifiait de céleste, de Tian, tout en continuant à le dire peuplé de Hu, c'est-à-dire donc de ces barbares de l'Ouest. De la même façon que l'enseignement bouddhique suscitait une très grande curiosité, tout en se trouvant récupéré, comme je l'ai dit, comme étant semblable aux sagesses déjà connues dans le monde chinois, voire comme étant un simple avatar de ces sagesses chinoises. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas le temps ni l'intention de m'étendre sur ces questions. Je peux vous recommander enfin de très sérieux et fameux ouvrages sur la question. Vous avez d'abord ce très grand classique d'un grand monsieur, Eric Zürcher, qui est décédé maintenant, mais qui est l'auteur donc de cet ouvrage, qui est vraiment l'ouvrage de référence par excellence sur la question, qui s'intitule The Buddhist Conquest of China, The Spread and Adaptation of Buddhism in Early Medieval China. Donc il a choisi, c'est un titre qui a évidemment suscité pas mal de controverses, donc la conquête bouddhique de la Chine, donc l'expansion et l'adaptation du bouddhisme dans la Chine du premier Moyen-Âge, un ouvrage paru aux éditions Brill de Leiden, donc en Hollande, puisque ce monsieur a longtemps enseigné à l'université de Leiden, étant néerlandais lui-même. Donc la première édition date de 1959, et la dernière et troisième réédition en date de 2007. En français, nous avons une traduction d'un autre ouvrage qui apparaît aussi comme un classique désormais, l'ouvrage qui est paru initialement en anglais de Kenneth Chen, Chen, qui est paru donc initialement en anglais aux presses universitaires de Princeton en 1964, et il a été récemment traduit en français aux éditions des Belles Lettres en 2015, sous le titre « Histoire du bouddhisme en Chine » et qui vous retrace également donc cette saga chinoise donc du bouddhisme. Et enfin, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un autre texte qui est censé dater donc aussi de cette période assez trouble de la fin des Han et qui témoigne lui aussi de la complexité et de l'ambivalence du processus de réception du bouddhisme en contexte chinois. Alors, il s'agit du Mozi Li Huo Lun, c'est-à-dire littéralement Maître Mao, comment Maître Mao met de l'ordre dans la confusion, ou comme a choisi de le traduire la traductrice française, notre collègue de l'université Paris 7, Denis Diderot, Béatrice Laridon, qui est un des piliers de notre collection bleue, donc Bibliothèque chinoise des belles lettres, ces espèces de budets chinois. Elle a choisi donc de traduire ce titre par « Dialogue pour dissiper la confusion ». Alors, il s'agit d'un ouvrage, donc vous l'avez ici en édition bilingue, d'un ouvrage qui aurait été composé dans l'extrême sud du monde chinois à la fin donc du IIe siècle, donc nous sommes à la toute fin des Han, par un lettré chinois, ce maître Mao, qui a été converti au bouddhisme et qui donc répond à des critiques adressées au bouddhisme par, on suppose, en fait, des collègues ou des contemporains donc de ce maître Mao. Alors, les avis sont extrêmement partagés sur l'authenticité de ce texte. Et donc, Béatrice Laridon donne dans cette édition donc une histoire très rigoureuse et très précise de l'histoire de ce texte. Alors, par exemple, pour Eric Zürcher, que je viens de nommer, c'est sans nul doute un faux, tardif, enfin qui date au mieux du 5e siècle. Et en face, vous avez donc, on pourrait dire, l'école française, représentée en particulier par Paul Pelliot ou Henri Maspero. Par exemple, pour Paul Pelliot, qui a fourni lui aussi une traduction de ce texte, dont il traduit le titre par Mozi ou Les doutes levés, dans un long article du Trompa-l'œil datant de 1920. Donc pour Pelliot, c'est bien un texte de la fin des Han, c'est-à-dire donc qui est datable de la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne. Et c'est en quelque sorte aussi la position donc de Béatrice Laridon, qui nous dit ceci dans son introduction, et je la cite. Le Mozi, alors là, petite explication sur la façon dont elle transcrit donc le nom Mozi. Si vous transcrivez en pinyin, hein, ça vous donne une transcription un peu malheureuse parce que ça vous donne M-O-U-Z-I, Mouzi. Hein, donc elle a trouvé que c'était pas, une très bonne idée de présenter un texte attribué à Mouzi. Hein, donc elle a préféré donc garder la transcription dite de l'école française d'Extrême-Orient adoptée par Pelliot. Donc elle nous dit, le Mozi se présente comme un texte écrit par un mystérieux maître Mo à une époque où la grande dynastie des Han touche à sa fin. Si l'on en croit la préface autobiographique de ce texte, qui évoque de manière très précise le contexte historique, des événements survenus en 194 et en 195 déterminent Mozi à se détourner complètement du service de l'État, traditionnelle vocation des lettrés, et à embrasser le Fuotao, c'est-à-dire la voie du Bouddha. C'est comme ça qu'il appelle donc le bouddhisme. Donc, remarque intéressante, il parle de voie comme si c'était un petit peu une alternative à la voie taoïste. Ce cheminement inédit suscite critiques et questions auxquelles il répond en composant un dialogue présenté sous la forme d'une suite de 37 arguments adressés à des contemporains anonymes. Ici nous est rapporté un moment critique de la vie de Mozi que l'on pourrait désigner par le terme de conversion et qui coïncide avec un moment historique tout aussi critique. L'ordre impérial tombe alors en ruine et la terre des Han se morcelle en régions secouées par les conflits. Ce texte d'une ère finissante est pourtant à bien des égards un texte premier, illustrant le début d'une rencontre incomparable par sa profondeur et ses conséquences entre bouddhisme indien et civilisation chinoise. La rencontre dont ce texte témoigne s'incarne donc en un lettré converti, Maître Mo, qui débat avec un ou des contemporains anonymes hostiles à la doctrine bouddhique, nouvelle, étrange et étrangère, et peut-être plus encore au mode de vie et aux pratiques des adeptes de cette doctrine. Les 37 arguments présentés au cours de ce débat peuvent être lus de manière autonome, même si l'on y discerne des regroupements thématiques, et répondent en général à des questions polémiques de l'interlocuteur, à l'exception des deux premiers et du 21e argument. Ceux-ci sont en effet introduits par des questions didactiques et proposent respectivement une biographie du Bouddha, probablement la première écrite en langue chinoise classique, une réflexion sur son nom, Fuo, qui veut dire l'éveillé ou l'illuminé, celui qui a connu l'illumination, et une présentation de l'origine du bouddhisme en Chine à travers le fameux récit du rêve de l'empereur Ming, qu'on a vu apparaître dans d'autres sources, notamment donc les annales des Han postérieurs. Donc il y a cet empereur donc qui est censé avoir vu le Bouddha en rêve sous la forme d'un être volant, brillant, doré, etc. Enfin, volant au-dessus du palais. Alors les autres, je continue donc l'introduction de Béatrice Laridon. Les autres arguments du débat articulent des éléments de ce qui sera appelé plus tard les trois doctrines ou trois enseignements, donc les Sanjia, à savoir confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Mozi, en tissant un réseau de références aux textes fondateurs de la science lettrée, y défend non pas tant la vérité de l'enseignement bouddhique que son accord profond avec l'enseignement des classiques et du Laozi, qu'il dépasse mais ne contredit pas. Autrement dit, ici, ce que dit Béatrice Laridon, c'est que Mozi ne présente pas le bouddhisme comme un enseignement qui va bouleverser complètement la vision chinoise et la remplacer totalement. Non, il dit que c'est un enseignement qui va au-delà de ce que la Chine a connu jusqu'à maintenant, mais qui ne le contredit pas. La marque générale des dialogues de ce texte est de s'intéresser à la question du mode de vie des adeptes ou encore aux faits et gestes du Bouddha, plus qu'au contenu philosophique et religieux des textes, peut-être encore trop mal connus. Alors, ici, nous avons une description assez nuancée et assez subtile de ce que ce maître Mo a apparemment voulu faire, et ça rejoint d'une certaine manière la position également d'un traducteur récent de ce même texte, d'un traducteur en langue anglaise, un certain John Keenan, donc ça s'écrit K-2-E-N-A-N, une traduction parue aux États-Unis, à New York, en 1994. John Keenan nous dit ici, donc en anglais, que the author's rhetorical strategy was to graft the new branch of the Buddha Tao onto the trunk of classical Chinese culture, which is represented for him by the Confucian classics and the works of classical Taoism. You know. Donc le Keenan nous dit ici que la stratégie rhétorique de l'auteur, donc de Maître Mo, a été donc de greffer une nouvelle branche sur, enfin la branche du Tao du Bouddha, sur le tronc de la culture chinoise classique, qui est représentée pour lui, pour Mao Zi, par les classiques confucéens et par les ouvrages du taoïsme classique. Et Keenan poursuit en disant donc de Li Huoluan is not a Buddhist apologetic arguing for the doctrinal truth of Buddhism over against the Chinese traditions, but rather a culturally Chinese hermeneutic about how to interpret China's classical tradition, about the validity of a Buddhist hermeneutic of its classics. It is hermeneutics, not apologetics. Donc, Keenan nous dit ici que de Li Huoluan, c'est-à-dire donc cet ouvrage, n'est pas une apologie bouddhiste qui plaide pour la vérité doctrinale du bouddhisme contre les traditions chinoises, mais plutôt une herméneutique culturelle chinoise qui porte sur la façon d'interpréter la tradition classique chinoise et qui porte sur la validité d'une herméneutique bouddhiste des classiques chinois. Autrement dit, la phrase de conclusion, c'est que c'est de l'herméneutique et non pas de l'apologétique. Là, c'est une position justement intéressante parce qu'elle prend le contre-pied des premières traductions de cet ouvrage, notamment la présentation de Pelliot, qui lui parle du premier ouvrage qui présente une apologie du bouddhisme. Or, c'est pas tout à fait ça. Hein. Donc, deux traducteurs récents, Béatrice Laridon et John Keenan, nous expliquent que là, en fait, il ne s'agit pas de renverser complètement la tradition chinoise, ce serait plutôt en fait de greffer dessus une nouvelle branche. Le Collège de France et France Culture vous présente la sinologue Anne Chang, aujourd'hui le pays du Bouddha, l'autre pays du milieu ou le seul et vrai pays du milieu. Alors, dans cet ouvrage, on trouve un passage tout à fait intéressant qui intervient donc dans l'argument numéro 14 hein, du Mozili Rolun. Et cette phrase nous dit « Zhuan yue, bei chen zhe xing, zai tian zhe zhong, zai ren zhe bei, yi zi guan zhi, han di wei bi wei tian zhong ye. »佛经所说“上下周集，寒雪之内物，皆属佛焉，是以无复尊而学之。” Alors, nous avons ici, nous entendons parler Maître Mo qui nous dit, comme le dit le Zhuan, c'est-à-dire le commentaire. Alors, on suppose qu'il s'agit d'un commentaire des classiques confucéens. Bon, on n'a pas réussi à retrouver la citation exacte, hein, mais enfin, ici, il s'agit bien d'une citation d'un commentaire chinois. Comme le dit le commentaire, l'étoile polaire est au Tianzhizhong, c'est-à-dire au centre du ciel et au nord du monde des hommes. On voit par là que Hanti, hein, que la terre des Han, ne se trouve pas forcément au centre du ciel. Il est dit dans les sutras du Bouddha que de haut en bas et jusqu'aux confins du monde, tout être vivant, c'est-à-dire tout être qui a du sang dans le corps, tout être vivant, tient du Bouddha. C'est ainsi que je me suis mis à vénérer et à étudier cet enseignement. Donc ici, Béatrice Laridon donc, commente ce passage en nous disant l'universalité de l'enseignement bouddhique, hein, donc là nous avons effectivement cette universalité mahayaniste, hein, sa vision d'un monde où tous les vivants partagent une nature commune, la nature de Bouddha, ce que les Chinois appelleront donc Fuxing. Donc cette universalité, cette vision d'un monde qui, où tous les vivants partagent une nature commune, semble ainsi avoir joué un rôle déterminant pour Mozi, hein, puisqu'il dit que c'est ainsi qu'il s'est converti en quelque sorte, qu'il s'est mis à vénérer cet enseignement. De manière significative, cette idée est amenée par une nouvelle vision du cosmos, illustrée dans une sentence apparemment extraite d'un commentaire au classique, suggérant que le centre du ciel n'est pas le même que celui du monde des hommes, du moins celui qui est connu et reconnu dans le monde des Han. Et Béatrice Laridon dit ceci, le centre est déplacé et n'apparaît plus comme évident. L'enseignement bouddhique vient ajouter à ce décentrement un étirement du monde moral en l'étendant à tous les êtres vivants. Alors, j'ai voulu donc vous lire cette phrase parce que elle introduit donc le mon propos d'aujourd'hui, hein, ce décentrement radical qui est provoqué donc par l'introduction du bouddhisme indien en Chine. Donc là, Béatrice Laridon souligne bien que le Mozi reflète dans cette perspective le point de vue très excentré d'un lettré qui vit donc, il faut le rappeler, à l'extrême sud de la Chine d'alors, hein, qui correspond donc à l'actuel Tonkin. Hein, et de fait, de façon très, très intéressante, le Mozi est considéré comme un texte fondateur du bouddhisme vietnamien. Les bouddhistes vietnamiens en arrivent même en fait à attribuer à Maître Mo une mère vietnamienne. Hein, donc là, vous avez cette appropriation donc par les Vietnamiens donc de cette tradition. Alors, pendant ce temps-là, hein, vers la fin des Han et au début de cette période de chaos, de désunité, hein, vous avez une situation totalement différente au nord donc du monde chinois. Là, vous avez une succession de dynasties non chinoises, hein, que les Chinois appelleraient barbares en quelque sorte, après la chute des Han, qui encouragent puissamment le développement du bouddhisme, parce que en fait, le bouddhisme est comme ces dynasties d'origine étrangère. Le bouddhisme est perçu comme quelque chose de roux, hein, exactement comme ces dynasties soi-disant barbares. Et donc, ces dynasties estiment que le bouddhisme leur procure, au fond, un fondement spirituel et une légitimité politique situé donc en dehors des valeurs traditionnelles chinoises. Donc le bouddhisme est revendiqué à plein donc par ces dynasties qui se disent bon, puisque on nous traite de barbares, autant donc nous fonder sur une doctrine elle aussi considérée comme barbare. Alors c'est ainsi que en 399, donc nous sommes à la fin du IVe siècle, au moment où la dynastie barbares, donc, qui se nomment en chinois les Houqin, donc les Qin postérieurs. Cette dynastie contrôle donc le nord de la Chine. C'est donc en 399 que le moine bouddhiste chinois Fa Xian, qui a vécu aux environs de 337 à 422, ce moine décide de quitter la Chine pour aller en Inde en quête du dharma, en quête de la loi bouddhique, et il inaugure ainsi une très longue tradition de pèlerinage de ces moines chinois vers l'Inde, qui éprouvent ce besoin irrépressible d'aller en Inde pour aller vraiment aux sources du bouddhisme, qui se disent en Chine on n'a pas ce qu'il faut, enfin pour du point de vue des sources textuelles, il faut absolument faire tout le voyage qui Bouddha le sait, est un voyage extrêmement périlleux. Beaucoup y ont laissé la vie, d'ailleurs. Vous voyez un tracé ici du périple de Fa Xian vers l'Inde. Alors, il n'a pas choisi la voie la plus facile, donc la voie qui passe par le nord des Himalayas, qui traverse en partie donc le désert de Gobi, qui est probablement l'un des plus mortels au monde. Et vous voyez comment donc il fait sa route jusqu'à l'Inde en passant donc par ce qui serait donc le Pakistan actuel, au nord de l'Inde. Et il arrive donc dans la plaine du Gange, le pays du Bouddha, et il poursuit sa route vers Sri Lanka, donc le Ceylan, et ensuite il rentre par la route maritime l'Asie du Sud-Est pour regagner donc le monde chinois. Et donc à son retour en 414, Fa Xian entreprend donc de traduire les textes qu'il a rapportés d'Inde et qui concernent principalement les règles de la vie monastique, c'est-à-dire donc ce fameux corpus de textes qu'on appelle en sanskrit le Vinaya, c'est-à-dire donc la discipline bouddhique. Alors, le récit de son périple se trouve dans un ouvrage qui s'intitule le Fuoguoji, c'est-à-dire donc Mémoire sur les pays bouddhiques. Alors, nous avons la chance d'avoir une excellente traduction en français. Donc, vous avez dans ce volume la présentation bilingue. Donc, vous avez l'original chinois et la traduction annotée en français en vis-à-vis, selon le principe des budets. Donc, une traduction due à un très grand savant, Jean-Pierre Drège, qui est paru donc aux Belles Lettres en 2013. Alors, je signale qu'en français, il y a eu la toute première traduction de cet ouvrage en langue européenne, c'est-à-dire en français, datée de 1836, Jean-Pierre Abel Rémusat, qui a été le tout premier titulaire de la toute première chaire en Europe à être consacrée à la Chine, chaire fondée en 1814, ici même, donc il y a deux siècles à peu près, au Collège de France. Alors, le début donc de ce mémoire nous dit ceci. Fa Xian xi zai Chang'an. Donc Fa Xian résidait jadis à Chang'an, donc comme vous savez, ancienne capitale des Han antérieurs, et qui à l'époque de Fa Xian était la capitale justement de cette dynastie non chinoise des Qin postérieurs, sous le règne donc d'un souverain converti au bouddhisme. Donc probablement c'est ce souverain qui a patronné en quelque sorte donc l'expédition de Fa Xian vers l'Inde. Kai Lü Zhang Chanque, Yu Shi, Sui Yi Hong Shi Yi Nian, Sui Zai Yi Hai, Yu Hui Jing, Dao Zheng, Hui Ying, Hui Wei Deng, Alors donc, Fa Xian déplorait les lacunes, les manques de la Luzang, c'est-à-dire la corbeille de la discipline, c'est-à-dire justement ce corpus appelé Vinaya. Donc on comprend bien qu'en tant que moine, Fa Xian avait une priorité justement pour ses textes concernant les règles de la vie monastique. Alors je rappelle ce que j'ai indiqué la dernière fois, c'est que le canon bouddhique est traditionnellement constitué de trois corbeilles, ce qu'on appelle en sanskrit les Tripitaka, hein, ou les Sanzang en chinois. Donc vous avez les sutras, c'est-à-dire donc ces textes sacrés attribués à la parole du Bouddha lui-même. Vous avez justement donc le Vinaya, c'est-à-dire donc les règles de la vie monastique, et vous avez donc les Shastras ou les commentaires regroupés sous le nom de Abhidharma, hein, c'est-à-dire l'analyse de la loi. Alors le texte continue en disant « Pour cette raison, en la première année Rongshi, qui était un an cyclique, Yihai, hein, c'est-à-dire donc il s'agit bien de l'année 399, Fa Xian prit l'engagement avec tous ses autres moines, Hui Jing, Tao Zheng, Hui Ying, Hui Wei, etc., et d'autres, il prit l'engagement de se rendre au Tianzhu, c'est-à-dire en Inde, pour y chercher des ouvrages sur les préceptes et la discipline. Alors, à un certain point du récit, hein, donc nous sommes à la section 19, selon la numérotation de Jean-Pierre Drège, on tombe sur un passage extrêmement intéressant qui a suscité et pour cause énormément de discussions. Alors, ce passage nous dit « Tu he bian dao wu chang, qi wu chang guo shi zheng bei tian zhu ye. » Donc, en traversant le fleuve, Fa Xian et ses compagnons donc arrivèrent au pays de Wu Chang. Alors, Wu Chang, c'est en fait Ludhiana, qui se situe donc au nord du Punjab actuel. Alors le Punjab, c'est cette région qui s'est trouvée coupée en deux par la partition, donc post-indépendance indienne, donc entre le Pakistan et l'Inde. Donc nous sommes au nord de l'Inde, et de fait le texte nous dit Ludhiana, le Wuchang, c'est véritablement le Tianzhu du nord. Alors, Jinzuo, Zhong Tianzhu Yu, Zhong Tianzhu, soit Zhongguo. Alors, donc, tout le monde dans cette région parle la langue du Tianzhu central, hein, Zhong Tianzhu. Le Tianzhu central est ce que l'on appelle Zhongguo, le pays du milieu. Su ren, yi fu yin shi, yi yu Zhongguo tong. Fofa shen shen. Donc les vêtements, la nourriture, le breuvage, c'est-à-dire ce que les gens portent comme vêtements, ce dont ils se nourrissent, ce qu'ils boivent, hein, tous ces gens du commun, ces laïcs, sont aussi les mêmes que dans Zhongguo, le pays du milieu. La loi bouddhique y est très florissante. Alors, ces désignations donc de Pei Tianzhu, donc Tianzhu du Nord, et de Zhong Tianzhu, de Tianzhu central, font référence à une distinction qui est faite classiquement dans les sources indiennes anciennes entre cinq régions, dont justement parle l'historien des Tang, Tuyo, hein, dont on a lu justement ce passage du Tongdian. Donc il nous dit bien que Tianzhu est composé de cinq régions. Vous avez donc la région du Tianzhu central, la région du Tianzhu de l'est, la région du Tianzhu du sud, la région du Tianzhu de l'ouest et la région du Tianzhu du nord. Alors, la région du Tianzhu central est appelée donc également en sanskrit le Madhya Desh, qui veut dire littéralement le pays du milieu. Je rappelle donc que Desh, ça veut dire le pays. Le Bangladesh, c'est le pays du Bengale. Bon. Donc, Madhya Desh, c'est donc le pays du milieu. Et donc, pour les sources bouddhistes indiennes, le pays du milieu, ce Madhya Desh, c'est le pays du Bouddha, c'est-à-dire donc le Magadha, qui se situe donc dans la plaine du Gange. Alors, le problème, c'est que quand on lit en chinois « Zhongguo », naturellement, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit de la Chine. Il peut y avoir qu'un seul pays du milieu, c'est la Chine. Bon. Alors maintenant, toute la question, c'est de savoir ce que désigne exactement Zhongguo dans ces deux occurrences. Alors, la première occurrence semble désigner assez clairement ce que les textes en sanskrit appellent Madhya Desh, c'est-à-dire donc le pays du milieu, à savoir le Tianzhu central. Mais les discussions portent essentiellement sur la seconde occurrence. Est-ce que par hasard, quand Fa Xian dit que les gens de ce pays portent les mêmes vêtements, ont le même type de nourriture, de breuvage, etc., ont les mêmes us et coutumes que les gens du Zhongguo, est-ce que par hasard il pense à la Chine ? Autrement dit, est-ce qu'il n'est pas en train de dire que les habitants de ce pays, donc en Inde, au fond, ils sont comme nous, comme les Chinois. Alors là, les avis sont très très partagés. Je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails, mais vous avez d'un côté donc les commentateurs qui optent pour la compréhension de Zhongguo dans les deux occurrences comme se référant à Madhya Desh, c'est-à-dire donc au fond le Tianzhu central, alors que vous en avez d'autres en face qui sont donc de l'avis opposé et qui pensent que au moins dans la deuxième occurrence, ça veut bien dire donc que ces gens de l'Inde ont les mêmes mœurs que ceux de la Chine. Et là, ces gens qui adoptent la première position, c'est-à-dire qui estiment que Zhongguo est simplement une traduction en chinois de Madhya Desh, c'est-à-dire donc de ce Tianzhu central, reprennent donc l'interprétation d'Abel Rémusat, qui écrit dans une note à sa traduction « Le royaume du milieu dans le texte Zhongguo, c'est précisément l'expression dont on se sert pour désigner communément la Chine. Mais il faut prendre garde dans les relations bouddhiques, comme c'est le cas ici, à ne pas confondre les passages qui se rapportent à la Chine avec ceux qui sont relatifs aux contrées de Mathura, de Magadha et autres royaumes situés dans l'Inde centrale. Cette confusion ne peut avoir lieu dans le livre de Fa Xian, qui, en parlant de son pays natal, le désigne toujours par les noms de dynasties, donc, et il cite Han, Qin, etc. Et de fait, si vous prenez justement les passages auxquels fait allusion Abel Rémusat, vous vous apercevez que chaque fois que ces moines bouddhistes qui sont en goguette donc en Inde, chaque fois qu'ils se présentent, premièrement, il y a une expression récurrente, ils disent qu'ils viennent de Pienti. Pienti, c'est-à-dire des régions marginales, sur les marges. Donc là, vous voyez bien que pour eux, l'Inde, c'est le pays central, c'est Zhongguo. Alors que eux estiment qu'ils arrivent de l'extérieur, ils arrivent de ces zones marginales. Et tantôt, donc, ils se désignent comme des Qin Dao Ren, c'est-à-dire donc des hommes de la voie, autrement dit des moines, mais de Qin. Alors Qin, ça peut être une allusion au nom de la première dynastie fondatrice de l'empire centralisé chinois, comme vous savez, mais ça peut être aussi en fait une référence à ces Qin postérieurs d'où venait précisément Fa Xian. Dans un autre passage, Vous avez aussi cette expression de pienti qui revient ici. Hein, donc, nous sommes des gens de l'extérieur, hein, des marges, et ils répondent à leurs collègues moines indiens qui leur demandent vous venez d'où, vous venez de quel pays, et donc les moines chinois répondent Song Han Di Lai, c'est-à-dire nous venons du pays des Han. Donc là aussi référence au nom d'une dynastie. Et puis vous avez donc ce troisième passage où il est dit que, et là je pense que ça vaut la peine de traduire ce passage en reprenant la traduction de Jean-Pierre Drège, donc il s'agit du moine Tao Zheng, qui fait partie donc de la petite troupe de moines chinois qui est partie donc de Chang'an avec Fa Xian. Alors on vous dit quand Tao Zheng parvint à Zhongguo, c'est-à-dire donc cette zone centrale de l'Inde, et quand il vit les règles du dharma, c'est-à-dire de la loi bouddhique, pratiquées par les shamanas, c'est-à-dire donc les moines bouddhistes, et les manières dignes de ces moines, impressionné par ce qu'il pouvait observer, il se remémora et déplora les manques qui affectaient les préceptes et la discipline des moines en Chine, et dans le pienti, c'est-à-dire donc qinto pienti, et dans ces zones marginales que sont la Chine. Et il fit le serment, désormais, jusqu'à ce que je devienne Bouddha, je fais le vœu de ne pas renaître dans un pienti, c'est-à-dire dans un pays marginal, c'est-à-dire de renaître en Chine. Il resta donc en Inde et ne s'en retourna pas en Chine. Donc là, vous avez un moine chinois bouddhiste qui est tellement désespéré sur l'état du dharma dans son propre pays et qui vient le chercher dans le véritable Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu, c'est-à-dire l'Inde, qu'il fait le vœu de ne pas rentrer en Chine puisqu'il ne veut pas justement renaître dans ce pays marginal. Et donc, il fait le choix de rester en Inde. Alors que Fa Xian, et c'est la fin du passage, dont l'intention originelle était que les préceptes et la discipline se répandissent chez les Han, s'en retourna donc seul. Donc ensuite, vous avez Fa Xian, donc il fait sa route de retour par la voie des mers. Mais vous avez ici un passage assez poignant, où vous avez deux moines qui ont quand même, enfin, qui ont vécu ensemble, qui sont venus en Inde ensemble, qui ont fait tout le voyage, qui ont affronté des dangers sans nom ensemble, qui en arrivent à se séparer complètement en ayant fait des choix très différents. Donc Tao Zheng décide de rester en Inde parce qu'il voudrait augmenter ses chances justement de renaître dans le pays du Bouddha, alors que Fa Xian décide de rentrer en Chine, non pas par nostalgie du pays, mal du pays, mais parce que en fait il se rappelle l'objectif de la mission qui s'était fixée, c'est-à-dire de rapporter en Chine donc les sources mêmes enfin du bouddhisme indien et notamment ses règles monastiques. Et c'est donc en fait ce phénomène justement de ce que Béatrice Laridon appelait tout à l'heure un décentrement. Là, vous voyez qu'on peut difficilement faire plus radical. Donc, on a vu à travers justement ce récit de Fa Xian que Zhongguo, décidément, c'est devenu l'Inde. Et la Chine, c'est Pienti, c'est-à-dire donc cette zone en marge du pays central. Et c'est ce qui a amené donc un chercheur italien, qui n'est plus de ce monde, hélas, Antonino Forte, à parler de borderland complex, c'est-à-dire donc d'un complexe des marges. Les bouddhistes chinois se sentent véritablement, en fait, en quelque sorte, en dehors du coup. Donc, et c'est pour ça qu'ils éprouvent le besoin de faire tout le voyage jusqu'en Inde. Et ce sera donc le cas ultérieurement pour le très fameux moine Xuanzang, donc qui a fait le voyage au début du 7e siècle, Lui, en fait, n'a pas emprunté la voie maritime. Il a contourné le désert par le nord à l'aller et il est rentré par le sud du désert, mais toujours par la voie terrestre au retour. Donc, Xuanzang, c'est évidemment le moine pèlerin si fameux qui a donné lieu justement à toute cette littérature fantastique, à ce récit donc de la pérégrination vers l'Ouest, bien plus tardif, hein, qui a donné lieu à toutes sortes d'embellissements littéraires, etc. Et puis un peu plus tard, hein, à la fin du 7e siècle, vous avez également ce moine bouddhiste Yi Jing qui lui en fait a choisi de passer par la voie de mer à l'aller comme au retour. Bien. Et donc, d'une certaine façon, et je conclurai là-dessus, donc, cette année, nous avons vu un petit peu comment, au fond, les Chinois abordaient cette question de l'autre. Hein, donc, nous avons vu qu'il y a chez eux, effectivement, au départ, une sorte de rejet, justement, de tout ce qu'il y a aux marges. Hein, justement tous ces barbares qui entourent le monde chinois civilisé. Donc on a vu qu'en réalité des négociations, des tractations incessantes ont lieu même avec ces barbares de Xiongnu, ces nomades du nord et de l'ouest. Mais nous avons vu que petit à petit le monde Han découvre qu'au-delà de cette ceinture en quelque sorte rapprochée des peuplades nomades, il y a justement un monde ouvert où potentiellement il y aurait peut-être d'autres centres de civilisation. Donc nous avons évoqué Daqian, l'Empire romain. Comme le faisait remarquer un auditeur, curieusement, en fait, les Chinois ne semblent pas en fait avoir eu conscience d'un monde grec. Mais pour eux, l'autre grand centre de civilisation, hein, surtout avec l'arrivée du bouddhisme, c'est véritablement l'Inde. Et donc, je crois que actuellement, nous savons que les relations entre l'Inde et la Chine sont évidemment plutôt tendues. Hein, mais je pense qu'il faut se rappeler de temps en temps que ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Alors là, on parle évidemment de périodes très anciennes. On peut dire oui, enfin tout ça, c'est de la préhistoire. Mais il faut quand même rappeler que il y a encore quelques décennies, donc l'Inde et la Chine étaient encore marchaient encore main dans la main. Hein, donc pourquoi ne pas se prendre à rêver justement d'une nouvelle alliance Chine-Inde, parce que je suis moi-même persuadée que la Chine a beaucoup à apprendre de l'Inde. C'était les cours du Collège de France le 25 janvier 2018. Vous venez d'écouter Han Cheng, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, le pays du Bouddha, l'autre pays du milieu ou le seul et vrai pays du milieu. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours d'Han Cheng. Elle a notamment publié « Histoire de la pensée chinoise », ouvrage majeur disponible en point seuil depuis 2014. Et je rappelle la collection « Bibliothèque chinoise aux belles lettres », la fameuse collection bleue pour plonger dans les sources anciennes chinoises. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, retour aux grandes mutations du XXIe siècle et à leurs enjeux avec la leçon inaugurale de Stéphane Mala intitulée « Science des données ». Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.